C'était la tentative de la dernière chance. Un petit espoir sur une terre déchirée par la violence et la haine. Des hommes sincères y ont cru. D'autres, assez cyniquement, c'est l'opinion de M. X, se sont sans doute servis de cette affaire pour avancer leur pion politique et affaiblir leurs adversaires. Mais la réconciliation était-elle encore possible ? À l'occasion de l'année algérienne, mon interlocuteur a souhaité revenir sur un épisode assez peu connu de la guerre d'Algérie, et plus précisément des semaines qui ont précédé le scrutin d'autodétermination du 1er juillet 1962. Des ennemis irréductibles. Je veux parler de militants de l'OAS et du FLN ont tenté de nouer un dialogue. Ils ont même trouvé un accord qui, s'il avait été appliqué dans les faits, aurait peut-être permis la naissance d'une Algérie fraternelle où les pieds noirs auraient trouvé leur place et échappé à ce terrible choix, la valise ou le cercueil. Mais, encore une fois, il était vraisemblablement trop tard. Des années d'une guerre impitoyable avaient dressé irrémédiablement les deux communautés l'une contre l'autre, et la politique de la terre brûlée menée par les extrémistes de l'OAS ne permettait plus d'espérer. Pourtant, contre toute attente, des hommes ont donc tenté de jouer cette carte de la dernière chance, avec, semble-t-il, l'attitude bienveillante des autorités françaises. Pour bien comprendre ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, il faut faire un petit retour en arrière, si vous voulez bien. C'est au début de l'année 1961 que l'organisation de l'armée secrète, autrement dit l'OAS, voit le jour. Mais jusqu'au putsch des généraux, en avril de la même année, ce mouvement clandestin n'est guère actif. Et d'abord parce que la plupart de ses militants se trouvent à l'étranger. En Espagne, hein? Oui, oui. Ils s'y sont réfugiés après leur participation à la semaine des barricades en janvier 1960. Mais après l'échec du putsch, c'est autre chose. Et d'abord parce qu'un certain nombre de militaires qui ont pris parti de la rébellion basculent dans la clandestinité. Oui, ce sont eux qui ont formé les cadres de l'OAS. Naturellement, sous l'autorité du général Salan. L'objectif de l'organisation, c'est la défense de l'Algérie française à un moment où il apparaît clairement que le général de Gaulle donnera tôt ou tard l'indépendance aux Algériens. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire ? Dans l'OAS, on va trouver des pieds noirs qui se battent pour le maintien de la présence française en Algérie. Donc pour leur terre. Bien sûr. Et certains d'entre eux sont issus des milieux de gauche. Mais d'autres, qui n'ont aucun lien charnel avec l'Algérie, ont d'abord pour but le renversement du gouvernement du général de Gaulle et l'instauration d'un pouvoir autoritaire sur le modèle franquiste, par exemple. Et pour cela, la défense de l'Algérie française n'est donc au fond qu'un prétexte. Oui, ou un levier pour parvenir à leur fin, si vous voulez. Ajoutant qu'ils affirment combattre au nom de l'Occident chrétien contre la subversion communiste. Représentée par le FLN algérien. Oui, et si j'insiste sur la différence d'objectif entre les uns et les autres, c'est qu'elle va jouer un grand rôle dans l'affaire que je me propose de vous raconter. Mais enfin, allons vite. Pour une fois. Je vous en prie. En mars 1962, après de longues et difficiles négociations, le gouvernement français et le GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne, parviennent à un accord à Évian. Et dès le lendemain, le 19 mars, c'est le cessez-le-feu. Mais la fin de la guerre d'Algérie. La fin des opérations militaires, mais pas la fin de la violence, bien au contraire. Car dès la signature des accords d'Évian, l'OAS se déchaîne. Mais c'est ce qu'on a appelé, je crois, hein, la politique de la terre brûlée. Oui, de nombreux bâtiments vont être détruits, mais on va assister également à une multiplication des attentats individuels, des attentats souvent aveugles. Des Algériens sont tués uniquement à cause de leur faciès. Les ratonnades. À Oran, par exemple, entre 10 et 50 civils sont abattus quotidiennement. Mais les forces de l'ordre ne sont pas épargnées, car l'OAS considère désormais que ce sont des forces d'occupation. Oui, mais c'est une lutte désespérée, hein, parce que, à cette date-là, l'indépendance est maintenant inéluctable. C'est juste, puisque le référendum d'autodétermination prévu pour le 1er juillet se traduira forcément par une réponse positive. Mais les activistes de l'OAS, certains du moins, pensent toujours que l'armée finira par basculer de leur côté. C'est complètement irréaliste. Oui. Après le putsch de 61, les autorités ont sévèrement purgé l'armée. Il n'y a pratiquement plus aucun risque que l'on assiste à une nouvelle rébellion militaire. Les chefs de l'OAS espèrent aussi que le poids de la population européenne en Algérie permettra de ralentir le processus d'indépendance. Mais là aussi, ils rêvent. Car très vite, et malgré l'interdiction qui leur est faite par l'OAS, les pieds noirs commencent à fuir massivement leur pays natal. Ils ont peur. Comment pourrait-il en être autrement ? Et paradoxalement, les violences aveugles de l'OAS accroissent ce sentiment. Oui, parce que les pieds noirs craignent les représailles du FLN. Évidemment. Et c'est ce qui se produira à Oran après l'indépendance. Les pieds noirs demeurés sur place subiront la vengeance d'une population algérienne qui a vécu pendant des mois dans la terreur. C'est donc dans ce contexte qu'il faut examiner ce qu'on a appelé le pacte OAS-FLN. une affaire où un certain Jean-Jacques Susini va jouer un rôle considérable. Oui, déjà parlé de lui, hein. Oui, à propos de la mystérieuse disparition du trésorier de l'OS, Raymond Goel. Enfin, passons. Rappelez-moi, quel est son parcours, là, Susini? Susini est étudiant en médecine. Très tôt, il milite à l'extrême droite, et ce jeune homme éloquent et passionné accède à la présidence de l'Association des étudiants d'Algérie. C'est donc à ce titre qu'il est l'un des principaux animateurs de la fameuse semaine des barricades, ce qui lui vaut d'être incarcéré à la prison de la Santé. Mais il est assez rapidement mis en liberté provisoire. Il en profite pour filer. Où va-t-il ? En Espagne, où se sont déjà regroupés quelques partisans de l'Algérie française. Et c'est là, avec son complice, la Gaillarde, qu'il crée l'OAS. Puis à la faveur du putsch de 1961, il revient en Algérie. Et après l'échec de la rébellion, il passe dans la clandestinité. C'est ça, hein, oui. Il est alors chef de la branche action politique et propagande. Inutile de vous dire qu'il est dans son élément. J'ajoute que Susini a su séduire le général Salan et qu'il en est très proche. Et presque naturellement, lorsque Salan est arrêté en avril 1962, c'est lui qui prend la direction virtuelle de l'OAS. Pourquoi virtuelle ? Parce qu'à la direction de l'organisation s'attire à U et à DIA. Il y a d'abord une branche en métropole qu'on appelle l'OAS Métro et qui agit de façon quasi indépendante. Mais en Algérie, même tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. D'un côté, pour simplifier, il a Susini, ses amis, d'authentiques pieds noirs, et de l'autre, il y a les colonels. Oui, les anciens putschistes. Oui, il faut encore dire que les Oranais de l'OAS ne tiennent guère compte des directives de leurs homologues algérois. Oui, parce qu'eux aussi agissent de façon indépendante. C'est exact. Soulignant enfin que ces rivalités se produisent dans un climat très défavorable à l'OAS. La police, mais aussi les barbouzes envoyés par Paris, ont porté des coups très durs à l'organisation terroriste. Ça engendre donc un climat de méfiance et de suspicion, ce qui n'empêche pas l'OAS de continuer sa folle politique d'attentat. On en est donc là quand, un mois avant la date fixée pour le référendum, Susini décide de tenter un gros coup, prendre directement contact avec le FLN. Mais vraiment, qu'a-t-il en tête ? Le dirigeant OAS veut sauver ce qui peut encore l'être, c'est-à-dire la présence des pieds noirs sur la terre algérienne. Ceux qui n'ont pas encore fui. Bien évidemment, il entend se présenter auprès des indépendantistes algériens comme le représentant de cette communauté d'origine européenne. Ce qui est pour le moins présomptueux. En effet, mais Susini ne manque pas de culot. Et il entend dire au FLN, discutons du destin de l'Algérie entre les Algériens. Ouais, les pieds noirs étant considérés au même titre que les musulmans comme les Algériens. Oui, et puis derrière tout ça, il y a certainement aussi chez Susini le désir d'assurer son propre avenir. Son avenir politique. Oui, Susini pense très sérieusement que s'il parvient à un accord avec le FLN, il pourra jouer un rôle dans la nouvelle Algérie. Après, la campagne de terreur de l'OAS, ça paraît fou. Oui, c'est vrai. Mais Jean-Jacques Susini va pourtant réussir dans une certaine mesure. Une question avant. Est-ce la première fois qu'une tentative de ce genre existe? Bonne question. Ah, merci. Oui. Il y avait déjà très longtemps qu'avait été émise cette idée d'une Algérie indépendante où musulmans et pieds noirs auraient trouvé leur juste place. Oui, une Algérie fraternelle. C'est cela, oui. Après tout, Ferhat Abbas ne disait pas autre chose. Et c'était aussi ce que préconisaient les libéraux de la communauté pieds noirs. Et en particulier un homme qui va avoir un rôle éminent dans ce rapprochement OAS-FLN. Je parlais de l'ancien maire d'Alger, Jacques Chevalier. Mais les violences, les attentats, la répression avaient peu à peu eu raison de cette grande idée. Et c'est cette grande idée, comme vous dites, que Susini voudrait ressusciter au dernier moment. Oui, mais enfin, laissez-moi poursuivre. D'accord. D'aucuns ont pensé à autre chose. Une partition de l'Algérie. Ah oui. Il y a une Algérie européenne à côté d'une Algérie musulmane. Moi, c'est à peu près ça. À l'image de ce que l'ONU avait prévu pour la Palestine en 1947. Bon, on a vu ce que ça a donné, un conflit qui n'en finit pas depuis plus d'un demi-siècle. Vous avez raison. Et d'ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que l'un des plus ardents défenseurs de cette solution n'était autre que le président israélien David Ben-Gourion. J'ai envie de vous dire, de quoi se mêlait-il ? Ben-Gourion pensait d'abord à l'importante communauté juive d'Algérie. Son destin l'inquiétait et il en a même parlé à De Gaulle. Ouais, réaction du général ? Eh bien, De Gaulle avait lui-même pensé à cette solution. On en a eu la preuve à l'automne 61, lorsque l'un de ses fidèles, Alain Perfit, a publié une série d'articles dans Le Monde préconisant la partition de l'Algérie. Avec l'accord de De Gaulle ? À l'évidence, c'était un ballon d'essai lancé par le général lui-même. Mais il renoncera bien vite à cette solution, si jamais il y a vraiment cru. Toutefois, Susini, déjà lui, reprend cette idée au bon. Et peu de temps après, il se rend chez l'un de ses pires adversaires, la bête noire des activistes, ce Jacques Chevalier dont je vous ai parlé. Un homme dont la villa venait d'être plastiquée par l'OAS. Rémi Koffer a publié récemment au Seuil une excellente histoire de l'OAS. Il évoque l'initiative d'Alain Perfit et précise même que c'est le 12 juillet 1961 que le jeune député UDR a rencontré le général de Gaulle. Je cite Koffer. Le général de Gaulle l'a choisi pour quelques confidences explosives sur sa politique algérienne. là de l'attentisme du FLN qui craint d'avoir à faire ses preuves dans la paix et retarde obstinément les négociations, le chef de l'État envisage ou fait mine d'envisager une solution inédite, la partition de l'Algérie entre une zone européenne et une zone musulmane. Perfit émet bien quelques objections, celles-ci sont balayées d'un revers de main. Le général, il ne s'en cache pas, préférerait un aboutissement rapide des négociations avec le FLN, mais puisque ce dernier exige le divorce avec pension alimentaire, tout en refusant de se présenter à l'audience, rien n'interdit d'imposer une séparation immédiate avec répartition forcée des pièces de l'appartement. Au mieux, ce serait un moyen efficace d'obliger les nationalistes, inquiets, à conclure vite. Au pire, l'amorce d'une solution moins satisfaisante, mais viable quand même. Et à la suite de cette entrevue, Perfit publie un article dont j'extrais ces quelques lignes. L'important pour une minorité, c'est d'être majoritaire quelque part. Si les Français de souche étaient majoritaires en Oranie et dans la plaine de la Mitidja, jusqu'à Alger, ils seraient les maîtres du sol. Personne n'y trouverait à redire pour peu qu'ils laissent la population musulmane s'organiser à sa guise au-delà du réduit où on les regrouperait. Les pieds noirs et les musulmans qui voudraient rester avec eux pourraient tenir ce réduit. Les 2 millions d'Israéliens ont bien tenu face aux 100 millions d'Arabes qui les entourent. Et Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger, qui vient d'être plastiqué par l'OS, accepte de rencontrer Jean-Jacques Sully. Eh oui, aussi extraordinaire que cela paraisse. Mmh. Et comment ça se passe alors? Ah, pas trop mal, parce que d'emblée, Sussigny affirme que l'OS est prête à renoncer au dogme de l'Algérie française. Ah, c'est pourtant au nom de l'Algérie française que l'OS qu'on a. Bien sûr, c'est donc une véritable révolution. Ouais. Et Sussigny propose la solution de Gaulle à la partition? Pas tout à fait. Il prône, lui, la création d'une Algérie fédérale jouissant d'une autonomie interne dans le cadre français. Autant vous dire que Chevalier n'en revient pas. Ouais. Au fait, pourquoi Sussigny s'adresse à lui en particulier? Chevalier, ancien maire d'Alger, donc, je vous le rappelle, a été aussi ministre du gouvernement dans l'Est-France. Malgré la haine que lui vouent certains pieds noirs, il demeure quand même une personnalité écoutée. Et surtout, il peut se poser en arbitre. En outre, il peut avoir aussi l'oreille de Paris. Or, rien ne se fera sans l'accord de l'Élysée. Et lorsque Sussigny lui propose d'organiser une rencontre avec Salan, Chevalier accepte. Salan, chef de l'OS et qui vit alors dans la clandestinité. Oui, oui. Et cette rencontre a lieu? Oui, effectivement, vers la fin de l'année 61, mais ça se déroule assez mal. Car pour Chevalier, l'OS doit préalablement cesser toute violence, ce que Salan refuse. Oui, c'est donc la rupture. Mais quelques mois plus tard, lorsque Sussigny tentera de conclure un accord avec le FLN, c'est à nouveau vers Chevalier qu'il se tournera. Toujours en tant qu'arbitre. Oui, oui, oui. Mais de l'autre côté, avec qui le dirigeant de l'OS peut-il discuter? Un homme semble particulièrement bien placé pour parler au nom du FLN. C'est Abderrahmane Fares. Il préside l'exécutif provisoire qui a été mis en place après les accords d'Évian. C'est un notable, un homme tout en rondeur qui a de bons rapports avec la communauté pied-noire. Et qui jouit, j'imagine, de la confiance du GPA. Bien entendu, puisque c'est le gouvernement provisoire algérien qui l'a placé là. Mais il ne faut jamais oublier le poids des ambitions. Et Fares, il faut tout de suite le dire, va jouer un jeu très personnel. Que voulez-vous dire là? Il ira bien au-delà de ce que ses mentors du GPRA étaient prêts à accepter, dans l'espoir d'accéder à de hautes fonctions lorsque l'Algérie sera indépendante. Oh, comme Sussigny, au fond. Hein. Bon, on peut voir les choses comme ça. Dans le courant du mois de mai 62, les premiers contacts sont noués et on rédige même un protocole d'accord. Ah, mais un protocole qui prévoit quoi alors? Il y a trois points principaux. D'abord, l'amnistie pour tous les membres de l'OAS. Même les responsables des ratonnades? Même cela, oui. Et ensuite, il est prévu la participation de la population européenne aux élections locales. Enfin, on envisage une organisation mixte de la police et de l'administration, au moins dans les deux plus grandes villes, Alger et Oran. Et l'arrêt des attentats OS que réclamait Chevalier? L'OS s'engage à observer une trêve à partir de la fin mai. Mais comment expliquer qu'on soit arrivé, au fond, si vite à la rédaction d'un protocole d'accord? Du côté de Fares et de son directeur de cabinet, qui a été très influent dans cette affaire, on considère que Jean-Jacques Sussigny est un vrai Algérien, à la différence des colonels de l'OS qui sont d'abord en rébellion contre le gouvernement français. Et Jacques Chevalier doit éprouver le même sentiment, même si politiquement il se trouve aux antipodes des convictions du dirigeant de l'OS. Mais qui était un homme d'extrême droite, hein, il faut le rappeler. Hein. Et qui est aujourd'hui engagé aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Ouais. Enfin, à cette époque-là, quand il entend défendre les pieds noirs, il est sincère. Parce qu'il sait mieux que d'autres que ses compatriotes européens vivront leur départ d'Algérie comme un véritable déchirement. Est-ce que les autorités françaises sont tenues au courant de ces contacts entre l'OAS et le président de l'exécutif? Parfaitement. Jacques Chevalier informe régulièrement le haut-commissaire français, Christian Fouché, et Paris ne désapprouve pas. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? Écoutez, si Paris n'avait pas été d'accord, comment expliquer que Susigny et ses hommes n'aient pas été coffrés lorsqu'ils se rendaient chez Chevalier pour discuter avec les hommes du FLN? Ça aurait été simple, non? Oui. Admettons. Alors. Et la trêve Elle intervient effectivement à la fin mai. Toutefois, la situation va évoluer de façon catastrophique du côté des deux parties. Ça veut dire quoi, ça? Farès, à l'évidence, s'est beaucoup trop engagé. Ah oui, sans avoir l'accord formel du GPA. Exactement. Et dans ses premiers jours de juin, il louvoie. C'est-à-dire qu'il dit que le protocole d'accord ne pourra être ratifié que si le GPA en approuve les termes. Et tout en affirmant qu'il est persuadé que la réponse sera positive, il sait très bien qu'à Tunis, où siège le gouvernement provisoire algérien, on est bien loin d'être d'accord. Or, a même été donné au docteur Moistefai, lui aussi membre de l'exécutif, de cesser tout contact avec Susigny. Mais Farès, n'en tient pas compte. C'est la vérité. Mais de l'autre côté, ça n'est pas plus brillant. Susigny est même mis en minorité lors d'une réunion de l'instance dirigeante de l'OAS. Et malgré les efforts de Christian Fouché, qui essaie de renouer les fils du dialogue... Mais toujours avec l'accord de Paris? Oui, avec l'accord de Paris, en parfaite contradiction avec l'esprit et la lettre des accords d'Évian. Il est évident qu'on va à la catastrophe. Ouais. Le 6 juin, au matin, dans une émission de Radio Pirate, l'OS annonce la fin de la trêve. Ah ouais, alors les attentats recommencent. Oui, dès le lendemain, la bibliothèque de l'université d'Alger est incendiée. Des dizaines de milliers d'ouvrages partent en fumée. Et puis c'est le tour de la Poste et de nombreux autres bâtiments, centres des impôts, écoles, etc. Là, c'est à nouveau la politique d'interrouler, quoi. Et ça suscite des mouvements à l'intérieur même de l'organisation terroriste. Un membre important de l'OS, Jean Saradet, convoque même une conférence de presse pour implorer ses camarades de renoncer à la violence et de reprendre des contacts avec le FLN au plus haut niveau. Ah ouais, lui aussi. Est-il écouté? Non, il est dénoncé comme traître. Il sera bizarrement retrouvé asphyxié dans son appartement métropolitain quelques mois après l'indépendance. Un assassinat? C'est probable. Une vengeance, donc? Je le pense. Mais est-ce que malgré cette rupture de la trêve, les contacts sont complètement rompus? Non, car malgré son désaveu, Susigny ne veut pas renoncer. Il ne faut pas oublier que c'est une véritable course contre la montre qui se joue. Le référendum doit avoir lieu le 1er juillet. Et au sein de l'OS, au moins à Alger, il se retrouve maître du jeu car beaucoup de ses adversaires au sein de l'organisation ont choisi de fuir le territoire algérien. D'autre part, Chevalier, mais aussi Fouché, veulent arriver à un accord qui mettrait enfin un terme à la violence. Je suis d'accord, mais pour discuter, il faut un partenaire. Vous avez raison. Et on va assister à un jeu très trouble, très machiavélique qui va décider de l'avenir de la future Algérie. Dans un livre de souvenirs, Christian Fouché, le dernier haut commissaire français en Algérie, a raconté comment il a suivi jour après jour, grâce à Jacques Chevalier, les négociations entreprises entre l'OAS et le FLN et comment il a été finalement autorisé par Paris à devenir un acteur de cette affaire. Je le cite. « Je savais avec certitude que la corde sur laquelle nous faisions tous de l'équilibre ne tenait plus que par un fil. Il fallait que j'entre moi-même dans le jeu. J'en avertis le Premier ministre, il me donna son accord. Lors d'une audience à l'Élysée, je présentais l'affaire au général de Gaulle comme s'il s'agissait d'une affaire de routine et en gardant un visage impassible. Il fronça les sourcils. Quand je me tus, il me regarda en les fronçant davantage encore, si possible, mais il ne me dit rien. Je n'en demandais pas plus. Le cher René Capitan, qui s'était installé à Rocher-Noir en tant que conseiller juridique de Farès et dont la sécurité personnelle fut du coup pour moi un perpétuel souci, car il risquait sa vie, fut ravi de ce froncement de sourcils. Il éclata de rire, de son grand rire d'enfant. Il m'était donc possible de violer les principes. Cela en valait la peine si on pouvait ainsi éviter l'apocalypse. Or, c'était de cela dont nous étions menacés. Alors, ce jeu machiavélique, là, que vous avez évoqué... Je vais y venir, je vous promets. Mais auparavant, voyons les faits et les dates, et vous serez éclairés. Pendant la rupture de la trêve, les pourparlers très discrets vont donc se prolonger. Mais du côté algérien, l'interlocuteur a changé. Après un voyage à Tunis, où Abderrahmane Farès a été désavoué par les dirigeants du GPRA, c'est désormais le docteur Moistefai qui mène le jeu. Qui est-ce? C'est un diplomate, un homme de grande qualité. Est-ce qu'il est mandaté, lui, pour négocier avec l'OAS? Oui, car il affirme qu'il a reçu des assurances personnelles de Ben Kedda, le président du GPRA. En outre, un autre dirigeant important du FLN, l'un des négociateurs d'Évian, Krim Belkacem, est venu de Tunis en même temps que lui. Et ce fondateur du FLN, qui est aussi vice-président du GPRA, a tout pouvoir pour parler au nom de ce dernier. Donc les négociations sérieuses peuvent commencer. Et ça se passe vers le 10 juin. On reprend donc la négociation avec Susigny sous le contrôle de Chevalier avec l'accord de Christian Fouché. et on s'achemine vers un compromis raisonnable. Mais patatras, le 13, Ben Kedda prononce un discours à Tunis où il désavoue publiquement les négociations avec l'OAS. Alors que, me l'avez-vous dit, il avait autorisé le docteur Mostefa à les engager. C'est exact. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Un petit peu de patience, si vous voulez bien. Pour Mostefa et les autres, c'est une vraie catastrophe. Mais attends, quand même, quels sont les arguments de Ben Kedda pour condamner ces négociations? Le président du GPRA dénonce ce qu'il appelle des manœuvres visant à saboter les accords d'Évian sous prétexte d'accorder de nouvelles garanties à la population européenne. Donc c'est fichu? Non, car un seul homme peut sauver la situation. Krim Belkacem. Il se trouve quelque part dans le bled, en mission d'inspection. Il faut le joindre plus vite, et c'est fait le lendemain, le 14, donc. Krim Belkacem, qui, selon vous, avait reçu tous les pouvoirs dans cette affaire. Absolument. Et il le confirme le soir même à Christian Fouché, qui l'a invité à dîner ou au commissariat. Il est d'autant plus favorable à la signature d'un accord qu'il fait partie de ces dirigeants du FLN qui souhaitent qu'une majorité de pieds noirs reste en Algérie. Alors, les négociations peuvent donc reprendre? Immédiatement, oui. Dès le lendemain. Et on tente de régler les dernières difficultés. Qui sont? Elles sont au moins de deux ordres. D'abord, Susini voudrait que l'accord entre les deux organisations soit signé par Krim Belkacem en personne. Pourquoi? Parce que la signature d'un ministre algérien sur un tel document équivaudrait à une reconnaissance officielle de l'OAS. Mais Mostefa refuse. Et il propose de faire une déclaration radiodiffusée au nom de l'exécutif provisoire. Déclaration rédigée après consultation des dirigeants algériens. Susini peut-il accepter? Oui, mais il a encore une autre exigence. Il veut que dans cette déclaration, il soit fait mention de l'OAS en tant que tel, et pas par une simple périphrase un peu vague. Mais en contrepartie, genre... Susini promet d'annoncer immédiatement une trêve, toujours par l'intermédiaire d'une émission pirate. Enfin, je vous passe le détail, mais une fois encore, Chevalier et Fouché s'entremettent inlassablement entre les deux parties, et le 17 au matin, ça y est, enfin, l'accord est signé. Je trouve quand même que Susini était particulièrement exigeant, alors qu'au fil des jours... Il disposait de moins en moins de cartes dans son jeu. Sans doute, mais malgré l'affaiblissement progressif de l'OS, il peut encore lâcher ses commandos et poursuivre cette terrible politique de la terre brûlée. C'est donc une sorte de chantage qu'il exerce. Si vous voulez. Il a donné la preuve qu'il pouvait encore nuire. Le 16, c'est-à-dire au moment où on mettait la dernière main à la rédaction de l'accord, un commando OS a fait sauter l'hôtel de ville d'Alger. Et simultanément, les blocs opératoires et les laboratoires de l'hôpital Mustapha ont été complètement détruits. Alors... Après la signature de cet accord, le scénario se déroule comme prévu? Oui, le 17, à la mi-journée, le docteur Mostefaï prononce une allocution à la radio. Un texte très digne, très émouvant, et le soir même, Susini lui répond en déclarant la trêve des actions de l'OAS. Une parenthèse ici. Je voudrais citer quelques lignes de l'allocution prononcée par Mostefaï, une allocution destinée principalement aux pieds noirs demeurés en Algérie. Je sais le désarroi dans lequel vous êtes. Vous vous posez des questions sur votre avenir dans ce pays, sur votre sécurité, sur le respect de votre personnalité et de votre dignité d'homme. Ces sentiments ont été exprimés par les dirigeants des organisations syndicales et professionnelles, et en particulier les dirigeants de l'OAS avec lesquels nous nous sommes entretenus. Et si j'ai participé à tous ces entretiens, c'est parce que leur utilité a été reconnue par les dirigeants algériens dont vous entendiez recevoir les assurances nécessaires. Est-ce que la trêve est respectée? Alger, oui. Les Algérois ont un instant l'impression que la guerre est vraiment finie, mais il n'en va pas de même à Oran. Ah oui, parce que l'OAS poursuit son action là-bas. Oui, la ville est alors à feu et à sang. Et à la fin juin, un commando fait sauter les réservoirs de carburant. Les violences se poursuivront même après le référendum d'autodétermination et l'approbation massive de l'indépendance. Le 5 juillet, une fusillade éclate. Des Algériens célébrant l'indépendance sont visés. La foule musulmane, prise de fureur, riposte en s'en prenant aux Européens. Il y aura plusieurs dizaines de morts de part et d'autre. Alors, au fond, cet accord OAS-FLN a donc été inutile. Je le pense. Et d'abord parce qu'il n'a pu empêcher l'exode massif des pieds noirs. C'était pourtant son objectif principal, mais enfin, soyons lucides, il ne pouvait pas en être autrement. D'abord, parce que, je vous l'ai dit, il intervenait bien trop tard. Ensuite, parce que du côté algérien, on n'était pas vraiment décidé à l'appliquer. Mais soyez plus précis, là. Je ne veux pas dire que des hommes comme Krim Belkacem ou Mostefa n'étaient pas sincères, mais en face d'eux, il y avait des dirigeants algériens qui se sont cyniquement servis de cette affaire pour affaiblir leurs adversaires politiques et même les éliminer. Il faut m'expliquer, là. Volontiers. Le FLN, déjà à l'époque, n'est pas monolithique. Oui, il y a des tendances. Oui, il y a des tendances qui vont s'affronter de plus en plus rudement. Ça se terminera, comme vous le savez sans doute, par une véritable guerre civile très peu de temps après la proclamation de l'indépendance. D'accord, mais Quelles sont les forces en présence? C'est assez compliqué. Toutefois, pour résumer, disons qu'il y a essentiellement deux forces en présence. D'une part, le pouvoir civil, celui du GPRA, qui regroupe la plupart des chefs historiques du FLN. De l'autre, le pouvoir militaire, ce qu'on appelle l'état-major général, à la tête duquel on trouve un certain colonel Boumediene. Son second étant Abdelaziz Bouteflika. L'actuel président algérien. Oui, et Boumediene à la tête de la puissante armée des frontières basée en Tunisie ou au Maroc. Mais une armée, il faut le dire quand même, hein, qui n'a jamais affronté les militaires français sur le terrain. Hein. Tout à fait juste. Donc cette force militaire mène depuis 1960 une véritable bagarre politique contre les politiques du GPR. Hein. Mais au nom de quoi alors? Boumediene et les siens se présentent comme de vrais révolutionnaires et accusent les autres d'être des mous, et surtout ils les accusent d'être prêts à écouter trop souvent les sirènes françaises. Bref. Vous l'avez compris, ce qui est en jeu, c'est la prise de pouvoir après l'indépendance. Et le colonel Boumediene va se révéler plus habile. D'abord parce qu'il va rallier à sa position le plus prestigieux des chefs historiques du FLN, Ahmed Ben Bella, récemment libéré des prisons françaises. Ensuite, parce qu'il va s'assurer du soutien d'un certain nombre de maquisards. Des hommes qui, eux, ont réellement combattu sur le terrain. Le résultat, pour revenir à notre affaire, c'est que le clan Boumediene Ben Bella va sciemment se servir du pacte OAS-FLN scellé à Alger en juin 62 pour se débarrasser des civils accusés de collusion avec les Français et les activistes de l'OAS. Ouais. Et ça explique le retournement de Benkeda qui désapprouve les négociations après les avoir d'abord encouragées. Tout à fait. Mais il est trop tard pour Benkeda. Il est allé trop loin, il a fourni là un formidable prétexte à Boumediene et à ses amis. Le gouvernement provisoire qu'il préside sera rapidement éliminé après l'indépendance parce qu'il sera accusé de collusion avec les assassins de l'OAS. Et Ben Bella accédera au pouvoir. Avant d'être lui-même renversé par son principal soutien à Boumediene. Les militaires prendront alors le pouvoir et remarquons simplement qu'ils ne l'ont toujours pas lâché. Alors, paradoxalement, les efforts de Susigny, mais aussi ceux d'hommes désintéressés comme Jacques Chevalier, n'auront servi qu'à permettre au clan le plus dur du FLN d'arriver au sommet. Et la politique radicale qui va s'en suivre aura pour premier effet de pousser les derniers pieds noirs à choisir le chemin de l'exil. La revue Historia a publié l'an passé un remarquable numéro spécial sur ces événements. J'en extrais ces lignes publiées sous la signature du professeur Gilbert Meynier. La responsabilité de l'OS dans le départ précipité des pieds noirs est grande. Dans les rangs du FLN, certains, notamment des civils du GPRA et les négociateurs d'Evian, vont regretter ces départs, mais le FLN est passé sous la coupe de militaires dont bon nombre n'entendent guère avaliser la présence de personnes qui risquent de continuer à former une élite des compétences et donc de leur faire de l'ombre dans leurs appétits de pouvoir. Les dirigeants algériens qui ont signé les accords d'Evian ne seront pas ceux qui les appliqueront. Ils seront emportés par la vague militaire dans le naufrage du GPRA. Enfin, je voudrais vous signaler la parution récente de deux livres très documentés consacrés à l'histoire de l'OAS, celui de Rémi Koffer, publié au Seuil, que j'ai déjà cité, et celui de Georges Fleury, l'histoire secrète de l'OAS chez Grasset. N'oublions pas non plus la somme que Yves Courrière a publiée sur la guerre d'Algérie, 4 volumes disponibles en poche chez Marabout. Et sur notre site franceinter.com, vous trouverez une liste d'autres ouvrages traitant de cette période particulièrement dramatique.